yeux pleins. C'est ainsi que je t'aime. Pourvu qu'elle reste, que tu ne nous délaisses. La bouteille vide, là je te déteste. La bouteille vide, sale drogue, sale peste. Ne se remplace pas. Je te pardonne. Je t'oublie.